Voilà, nous avons pas mal de temps qui nous reste pour discuter. You're welcome to ask questions in either English or in French. Lisbeth Hesseling, I'd like to pose a question to Joost Côté. You stressed that the letters of Cratini were edited, and but I also thought to have understood that there were also unedited letters, and maybe the originals were there, so you could see which parts were skipped away. And so my question is, can you elaborate on which types of things were left away, and maybe would that have given another image of Cartini than the one which is famous by now? Non, j'ai des questions. Privilège. Voilà. Oui, j'ai une question pour Monsieur Côté. J'aimerais avoir plus de précisions sur les liens entre réformisme et nationalisme en Indonésie. J'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, que pour vous, Kartini est une figure qui a des revendications politiques qui dépasse l'adhésion à la politique éthique néerlandaise. Et donc, peut-être vous la mettriez plutôt quand même dans un pré-nationalisme indonésien. Voilà, je voulais votre éclairage, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'Indonésie, mais j'ai lu récemment la thèse de Romain Bertrand, justement, est consacrée à en partie à cette période de la politique éthique, et qui analyse la figure de Kartini comme, l'emblème de la cooptation des élites néerlandaises par les Pays-Bas, et donc pas du tout comme une figure du nationalisme indonésien. Donc je voulais votre avis sur ce point. Et j'avais une question, deux questions sur la colonisation italienne. Sur le rôle des femmes européennes, j'ai l'impression qu'en fonction des contextes, on est soit en train de dire qu'elles sont perçues comme des agents de liaison avec les populations locales, c'est ce que vous avez dit, soit comme des facteurs de ségrégation entre les populations. Et j'aimerais savoir si vous voyez ça comme quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire que peut-être on les pense comme des agents de liaison et qu'elles deviennent plutôt des agents de séparation, notamment entre les hommes italiens et les femmes locales, qui avaient donc des relations plus intimes dans les premiers temps de l'installation. Voilà, donc j'avais cette question. Et alors une question plus large et qui concerne aussi Barbara Spadaro et Giovanna Trento, qui parlera demain sur l'état de développement des recherches sur la colonisation et sur genre et colonisation en Italie. Parce qu'on était effectivement intéressés par vos interventions quand on a reçu les résumés. Et c'est vrai qu'en France, on est vraiment très ignorant de ce domaine. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Teresa Solis, je suis doctorante à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et j'ai une question pour Madame Di Barbaro. Et je me demandais, au début de votre intervention, vous nous avez dit que le regard qu'on portait sur les femmes africaines était un regard très stéréotypé, sauf en ce qui concerne les femmes qui étaient à côté de militaires ou de fonctionnaires coloniales. Je me demandais si vous pouvez préciser un peu plus les regards qu'on portait sur les femmes italiennes ou européennes, qu'on avait des relations avec des hommes africains, quels étaient les regards qu'on avait sur ces liaisons. Merci. Bonjour, Camille Aubred, étudiante à Paris 1. Je me demandais, Madame Barbara, si donc vous avez des informations sur le regard qu'on portait sur ces femmes italiennes en situation coloniale, mais est-ce que vous avez des informations sur le regard qu'elles avaient d'elles-mêmes, sur la vision qu'elles avaient d'elles-mêmes dans leur relation avec l'autre ou dans leur relation avec ce monde colonial. Merci. Ça y est, c'est déjà beaucoup. You want to start? Yeah, sure. As to the letters, so the point I was trying to make is that we have to try to understand Kartini on the basis of a set of letters, that's basically what the whole, that's basically our only source of Kartini. Now, the letters that have been available for most of the century, I think, I assume that most people had heard of this person, but maybe not, are a set of selected letters of which only extracts have been published until, for most of the 20th century, until in 1987, a separate group of letters that had not previously been published were then published and are now available in Indonesian and English. And by the way, if you want to know about Katrine, she's on Project Gutenberg in both English and in Dutch. So off you go, it's all free. Oh, wow. Okay. Now, so basically the understanding of this Indonesian person is based on a selection of letters to a selected group of colonials. So the expression of Kartini flows through this highly editorialized position. And why is that the case? Because the publication of Kartini's letters was intended to present a particular colonial position by the editor, i.e. as a contribution to this so-called ethical policy. So, in fact, the voice of Kartini is hidden within this colonial publication project. Now, what the unexpurgated letters selection do start to show is, in fact, the real voice of Kartini that was hidden by the process of editorialization. That's the point I was trying to make. Now, what is excluded? Rather, by comparison these two lots, what do we see? We see quite powerful statements against Islamic belief, powerful statements about polygamy, severe criticism of the Javanese traditional male. I will never, ever marry one of these terrible people. I will never submit to polygamy. Words, phrases of that sort of weight, which had been excluded, which are now able to be seen, and. Well, I suppose that's basically the point to Lisbeth's sort of answer to your question. I've just actually completed a translation of everything that Kartini or all Kartini's extant writing, and it's only when you put it together, really, and it's too hard to sort of present it in this sort of paper, do you see the accumulation of these political statements. And the other point I sort of make is that if one investigates to whom she is writing, I would argue, even though this is a selection by the editor, so presumably she's written a lot more, but this is all we've got. But if you look at the ones that the letters that she does have, these are all strategically selected recipients, and I would argue by Kartini herself. Each one of these people are connected to a much wider progressive reformist discourse that's going on in the Netherlands. And the last point on that is to say that these recipients, these colonial recipients, are also at that time engaging in the same political processes as Kartini was doing. Contemporaneously. So contemporaneously, Dutch feminism is making political statements in the Netherlands. Another way of looking at that is to have a look at the literature that Kartini cites in her letters. These are, almost without exception, these are books that have only just been published in the Netherlands. So she is parallel with the reformist movement in the Netherlands, yet and in that sense, well in advance of what the so-called ethical progressives are putting forward as to how colonial policy should be reformed. She is well in advance of that. Ethical policy, I think, is a dreadful misnomer because there's very little ethics there at all. There is, and certainly, if it is, it is coming a decade later. The provision of government schooling for women is a decade later, et cetera. So Kartini is talking 1902, 1903, when none of that policy, even in the best interpretation, is yet happening. She's well in advance of that, and well in advance of her male colleagues who are only selfishly, as it were, saying, we aristocratic Javanese elite should have more Dutch education to help with everybody else. Kartini is saying women need education. Not only that, we need to reform all of society, including the provision of education, in a nutshell, I think. I should like to have that reference, by the way, that I'm aware, which I presume is in French, is it? La thèse de Romain Bertrand, qui s'appelle État et nationalisme à Java, et qui est sortie en 2005 en France chez Cartala, aux éditions Cartala. Il vous cite beaucoup. Alors, les questions qui ont été posées sont vraiment énormes. Donc, j'essaie de dire juste quelques mots. Mais... Alors, agent de liaison ou facteur de ségrégation. Donc, je me réfère à l'Éthiopie. Et donc, c'est un cas aussi très particulier parce qu'on a la guerre. Donc, il y a vraiment le monde féminin, c'est vraiment pas de choses, comme j'ai essayé de dire. Il n'y a que les religieuses. Et il n'y a que celles-là qu'on voit en train de travailler avec les indigènes. Les femmes blanches, même quand on essaie de les envoyer en colonie, ce n'est pas pour créer des relations avec les autochtones. Parce que, on a une vue vraiment très raciste de relations coloniaux, évidemment. Et donc, les femmes sont plutôt là pour garder leurs hommes, une famille et leurs hommes. Et il y a même je ne sais pas comment on dit, mais sur la Domenica del Corriere, il y a des interventions très intéressantes sur la mode, par exemple, pour les femmes qui doivent partir pour l'Éthiopie, et qui lui dit il faut que vous amenez avec vous ces vêtements-là pour être toujours élégant et pratique. Mais... Donc c'est vraiment une image très traditionnelle de la femme. Et c'est sûr qu'ils sont vraiment vus comme un facteur de ségrégation, un élément qui va aider la stabilité sociale et et va garder clos. Même parce qu'on avait des projets pour reconstruire même Addis Abeba avec des quartiers vraiment très séparés entre indigènes et colonialistes et italiens. Donc vraiment, on se préoccupait pas du tout de liaisons avec les Africaines. Par rapport aux à l'état des études en colonie en Italie, donc ici aussi ça ferait un discours très long, parce que déjà l'histoire du colonialisme italien est relativement récente, donc il faut récupérer le travail. En plus, l'histoire du genre aussi, en Italie, c'est en retard. Donc, il faut aussi là faire beaucoup de travail. Donc, vous imaginez mettre les deux choses ensemble, c'est pas facile. C'est très intéressant, je trouve, que l'année passée sont sorties deux œuvres sur les colonies italiennes des historiennes historiques sur les sujets. Et je trouve que c'est très, très intéressant parce que les deux ont une page sur les femmes en colonie. Ils disent les mêmes choses. Je pense que vraiment, on a seulement réécrit les mêmes, il y a presque les mêmes mots. Donc, on a l'impression qu'on... Calchinovati e l'altro di la banca, sì, quella un po' più vecchia. Pardon, je suis passée à l'italien. E donc on a l'impression vraiment qu'ils se disent, bon, il faut que je dise quelque chose par rapport aux femmes, mais qu'est-ce que je vais dire? Et donc ils ont écrit là pour dire, bon, je l'ai fait, on ne peut pas dire que... Mais je crois que vraiment le travail à faire est encore long, même s'il y a... Il y a des historiennes qui ont travaillé sur ça, Giulia Barrera, Barbara Sorgoni, qui est plus anthropologue qu'historienne, mais qui a aussi travaillé sur ça. Donc ce n'est pas qu'il n'y a rien du tout, mais il y a beaucoup à faire, je crois. Et bon, ça dit, c'est aussi la base de partance pour expliquer que en réalité, on n'a pas... de regard sur les liaisons des femmes italiennes avec des africaines. Les citations que je vous ai lues sont presque tout ce que j'ai trouvé sur le sujet. Mais comme je disais, c'est encore un travail à faire. Je pense que... Bon, je pense qu'en fouillant les sources, on pourra trouver d'autres choses, même par regard à ça. Parce que vraiment, je pense que le regard des historiennes qui ont une approche genre permet de découvrir aussi des sources et des parcours qui n'ont pas été pris par avant, par une histoire plus traditionnelle, on dirait. Et la même chose, je la peux dire sur le point de vue des femmes italiennes sur leur même par rapport à l'Éthiopie. C'est peut-être un peu différent dans le cas de Barbara, mais bon, je me suis concentrée sur ça. Mais on n'a pas beaucoup de documents par rapport à ça, mais je pense que c'est peut-être que Barbara ou Giovanna auront plus de dire par rapport à ces questions. Je ne sais pas si vous m'avez entendu et si j'ai répondu, mais j'espère que si. Je vais ajouter quelques mots. En fait, pour le colonialisme italien, on a un très grand problème des sources, parce que la quantité de sources qu'il y a sur le colonialisme hollandais, aux français, aux anglais, c'est absolument incomparable avec les cas italiens. Et aussi sur les cas italiens, c'est beaucoup plus facile de trouver des documents officiaux, bien que les archives coloniales italiennes ont été fermées longtemps, ont été ouvertes aux historiens très récemment, et ont été objet de beaucoup de polémiques concernant l'usage et l'accès de ces archives. Donc mon travail, par exemple, j'ai trouvé absolument essentiel et très utile d'intervister des personnes qui ont vécu en colonie, parce que ça m'a porté à leurs photos et à leur mémoire, mais il n'y avait jamais de mémoire écrite. Les familles n'avaient pas, les gens n'avaient pas des journaux. Ils n'ont jamais mentionné ce type de souvenirs ou de mémoires de famille avec moi. Ils m'ont montré leur album de famille, des photos, et j'ai travaillé beaucoup sur ça. Mais je crois que pour faire une histoire des genres sur les colonialismes italiens, c'est vraiment nécessaire d'utiliser, de trouver d'autres Et je crois aussi que la question de la représentation est absolument cruciale, et ça peut être abordé aussi avec les cinémas, qui en Italie, le cinéma colonial n'est pas vraiment étudié. Je crois que aux États-Unis, on a fait beaucoup de bon travail sur ça, sur ce sujet, mais en Italie, pas vraiment. Et bon. Finalement, je crois que la recherche sur le colonialisme italien a été les travaux de plus bonne qualité, malheureusement, viennent des États-Unis, je crois. Mais la situation va changer parce qu'il y a une nouvelle génération d'historiennes et historiennes qui ont commencé à travailler sur ces sujets en lisant en anglais et en français. Des travaux sur l'Éthiopie que sur la Libye, je dois dire. Mm-hmm. Mais j'espère que développant excusez-moi, je mixe beaucoup avec l'anglais et le français, c'est vraiment horrible. Mais j'espère que, par exemple, travaillant dans une perspective transnationale, et pour exemple, en situant la Libye dans les contextes, en mon cas, la Libye dans les contextes du Maghreb et donc de la colonisation française, par exemple, et faisant des comparaisons, il sera possible d'ajouter beaucoup plus de d'ajouter de nouveaux regards sur la question et d'enrichir la recherche et ce qui en sait. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Bonjour Giovanna Trento. C'est vrai que des femmes dans les colonies, femmes italiennes dans les colonies italiennes ont été toujours en minorité. Il y a des sources dans la littérature narrative, des mémoires, tout au début du XXe siècle aussi, pendant le fascisme. Il y a quelques articles écrits aux États-Unis, par exemple Christina Lombardi Diop sur les femmes en colonie. Mais je voudrais ajouter que, en ce qui concerne la position des femmes, pour l'Italie, je pense, la colonisation a représenté un moment de modernisation très important l'auto-représentation de l'Italie en tant que pays sous-développé à la fin du 19e siècle. Donc, la colonie vraiment représentait les tentatives de modernisation. Et donc, la femme en colonie, pendant le fascisme, ça c'est très important. Aller en colonie, idéalement, c'est devenir une femme qui voyage et qui commence une entreprise de modernisation. La chose c'est pas avérée, mais au niveau imaginaire, je pense que ça a eu un poids dans l'imaginaire national. Pour les femmes italiennes. Voilà. Mais c'est vrai, c'est encore à construire, à écrire. Bon, voilà, il nous reste un petit bout de temps s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. C'est que, bon, quand j'étais au Niger, Je faisais un entretien avec une femme qui travaillait dans un ONG qui luttait contre les mutilations génitales. Et elle disait qu'elles ont eu pas mal d'appui de l'Italie. Eh bien, j'étais un peu étonnée, mais elle disait que c'était à cause de cette immigration qui viennent de l'Afrique du Nord et de Somalie, etc., donc des anciennes colonies. Alors, je voulais juste poser la question, est-ce que les actualités d'aujourd'hui ont influé sur le fait qu'en Italie, maintenant, on s'intéresse à ces questions plutôt qui étaient un peu laissées à côté pendant pas mal longtemps? Ah oui, est-ce un peu. Je pose juste... Yeah, that was irrelevant. I mean, it was just why the question came to me. That Italy has been funding work in Africa in the context of struggles to try to reduce cutting, FGM, in the discourse that they use, and so that sort of surprised me. It is French space, but her explanation had to do with currents of migration from former Yeah, and I just thought that was interesting. I didn't know whether that had any impact on just the general interest of Italy in its former territories as a result of sort of the real uptick in immigration, but it's just a curiosity. En fait, tu dis que le colonial serait revenu par le post-colonial. C'est voilà, ça? Voilà, c'est ça. Is this, eh bien, puisqu'on a du temps, donc... je me demande, pardon, Arundhati Vermani, HSS Marseille. Donc je me demande, je suis toujours frappée qu'en en Italie, il y a une traduction immédiate des livres qui sortent sur la colonisation en Inde et des sujets qui touchent la colonisation indienne. Et puis en italien sont publiés des comptes rendus, il y a un intérêt, enfin depuis... je dirais 10 ans. Et donc ça m'a frappée. Et est-ce que ça, indirectement, puis il y a eu des livres sur Gandhi, bien sûr, par des Italiens, etc. Donc il y a toujours eu plus ou moins. Est-ce que cet intérêt dans la colonisation italienne, tu vois, quelque chose, enfin une sorte de produit indirect, je ne sais pas. Puis la deuxième question qui n'a rien à faire avec ça, c'est je m'intéressais à votre remarque sur la féminité italienne telle qu'elle est. Et puis j'ai eu un moment d'absence, donc je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais je voulais savoir si la féminité telle qu'elle est construite ou définie à ce moment, est-ce que c'est... quelque chose de très différent par rapport à, je ne sais pas, une féminité européenne qui distingue la femme italienne. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur ça? Bon, alors, pour la première question, bon, je ne sais pas vraiment. Je pense que peut-être que comme l'immigration en Italie est en train de devenir plus forte, peut-être qu'on commence un peu plus à prendre conscience et donc à s'intéresser de ces questions-là du point de vue historiographique et aussi social et politique. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça, mais je n'ai pas de... Et pour la question de la féminité italienne, bon... On parle du régime fasciste, donc le nationalisme est bien entendu très très fort, donc chacun doit faire son part, je ne sais pas si on dit comme ça en français, et donc même les femmes italiennes. J'ai montré une photo, une reproduction de la Domenica del Corriere. Et bon, l'image, c'est celle d'une femme forte et maternelle au même temps. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas moi qui le dit, mais c'est vrai que le fascisme a une représentation très schizophrénique de la femme. Parce que on voudrait, comme on disait, une femme moderne. Mais oui, mais moderne, mais dans le foyer. Donc, parce qu'il y a un numéro, maintenant je ne me souviens plus du nom du magazine, d'une revue, oui, une revue dédiée aux colonies, qui publie un numéro exclusivement sur les femmes italiennes en colonie. On est à la fin des années 30. Et donc, la plupart des conseils sont sur la façon de immobilier la maison, de se vêtir, de vêtir les enfants, comment reconnaître comment curer les maladies les plus faciles. Donc bon, c'est, comme Giovanna disait, c'est une... C'est une façon de dire, bon, la femme italienne voyage, est moderne, mais dans une image qui est encore une image très, très ancienne, je dirais. c'est pas, je ne trouve pas qu'il soit innovatrice du tout. Non, je voulais essayer de répondre à votre question sur l'intérêt des Italiennes pour les mutilations. Donc, mon impression, c'est que ce n'est pas tout à fait un intérêt lié à un passé colonial. Je crois que c'est un nouveau relation coloniale qui est établie maintenant. Parce que, et je crois que cet intérêt vient de nombreux débats qu'on a eus en Italie dans les dernières années sur les corps des femmes qui se sont éclenchés avec ce qui s'est passé avec, pour Silvio Berlusconi et ses scandales des escorts et des prostituées qu'il payait pour ses fêtes. Et ça a généré vraiment une d'indignation à beaucoup de femmes italiennes, et ça a ouvert un nouveau activisme, une nouvelle réflexion des femmes sur ses propres corps qui en fait c'est pas encore connecté avec des questions de la globalisation et de l'immigration, je crois. Certaines parties de ces mouvements sont très connectées avec ça, et par exemple, elles luttent pour les droits des immigrés, mais beaucoup de femmes qui sont connectées avec ces nouveaux débats des classes moyennes, établit cette relation de patronage envers ces femmes d'Afrique en réfléchissant sur leur corps. Et je crois que ce qui révèle cette relation entre les deux, c'est aussi que les mutilations sont contestées pour les femmes d'Afrique, mais on ne réfléchit pas vraiment, par exemple, sur la chirurgie esthétique de la vagin qui commence à être populaire aussi en Italie. Et donc, je crois que ce débat doit encore se développer beaucoup. Et pour ce qui concerne la modernisation, les femmes pendant le fascisme, ce que Monica et ce que Giovanna ont dit, en fait, sont deux parts de la... Oui, sont absolument complémentaires. Parce que c'était un grand moment de modernisation, mais c'était une modernisation qui voulait être traditionnel. Donc, en fait, c'était quelque chose d'irrésolu, d'impossible. Et donc, c'était quelque chose qui était toujours repoussé vers les futurs achèvement de la société fasciste. Bonjour, Rose Dengue, doctorante à Paris 7. Donc, moi, je travaille sur... les femmes, le pouvoir politique et la scène publique en post-colonie, en prenant l'exemple du Cameroun. Donc ma question s'adresserait, enfin c'est une question et une remarque à Madame Di Barbora. C'est de savoir, en fait, là vous nous avez parlé de la représentation, donc on va dire, à travers ce journaliste, qu'on va dire l'État avait des femmes italiennes, des femmes indigènes, mais est-ce que, je ne sais pas si vous avez travaillé un peu dessus, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi a abouti au niveau, pardon, de la réglementation, la régulation de la vie sociale, on va dire, indigène sur place, c'est-à-dire que comment est-ce que l'État a mis en place une politique réglementaire par rapport aux femmes, en fait, par rapport à la manière dont les indigènes traitaient les femmes, qu'ils estimaient bien, pas bien, enfin, quelle est la politique après au niveau réglementaire qui a été mise en place par l'État italien dans ces colonies-là à l'égard des femmes. Merci. Donc, ce sont toujours des questions énormes. Donc, je demande elle aussi de m'aider. Parce que, bon, comme je disais, il y a la première législation raciste italienne. C'est justement ce que vient promulguée dans les colonies. Donc, et il y a aussi des prohibitions de relations entre les hommes italiens et les femmes africaines. Je n'ai pas cité un autre passage de Poggiali qui dit qu'il faut arracher les mauvaises herbes du sale métissage qui est dans toutes les colonies africaines une plaie extrêmement dérangeante. Et il dit aussi que le bacille du madamisme et du négrisme, inspiré par beaucoup de littérature des manières, n'a pas pris dans la compagnie italienne. Donc ça reflète l'indication de la propagande, parce que comme je disais, après la proclamation de l'Empire, on est en train de faire vraiment un changement complet, comme les femmes africaines étaient utilisées comme image de propagande avant, et donc on a vu les cartes postales. Après, il fallait absolument changer ça, et la législation est venue après en partie, parce qu'on parle ici, on est en train de parler de peu d'années aussi, parce que Poggiali est en Éthiopie entre 36 et 37, et en 41, c'est fini. Donc le temps, c'est vraiment court. Alors, je remercie tout le monde. C'était fascinant et merci pour toutes les questions qui sont précieuses aux chercheurs. Et merci à nos intervenants, tous les cinq. Merci bien.